La dernière supernova, un roman de Éric Simon. Décembre 2029. Alan, on a perdu le contact, on n'a plus rien. Ça ressemblait à quoi, juste avant? Demanda le responsable scientifique de la sonde New Horizons. On avait ouvert le canal de Pepsi depuis une semaine, comme demandé. Il était dans son état nominal, les commandes étaient bien reçues et on recevait le signal correctement. Mais juste avant la perte de contact, Pepsi a envoyé un signal de saturation pendant environ 3 secondes. Ensuite, on n'a même pas eu de mise en mode de sécurité. Tout s'est arrêté brutalement. Tu penses que c'est ça? Demanda Alan Stern à son collègue. C'est bien possible. Ils avaient prévu le 25, non? On y est. Ça voudrait dire que le vent du pulsar a grillé l'électronique. Ça fait combien de temps là? Bah, je t'ai appelé tout de suite. La perte de contact était à 13h24, heure de la côte Est. Bon, là, ça fait presque 2 minutes. Ok, on alerte tout le monde. Ça va arriver sur nous dans 7 minutes maintenant. C'est quoi? Une toupie? Je parie que c'est une toupie. Allez, vas-y, ouvre-le, tu verras, répondit Pedro à sa comparse Corinne. Ils avaient tous préparé un petit cadeau. Mais pour ne pas prendre trop de volume, ils avaient prévu un cadeau par membre d'équipage et ils tiraient au sort qui serait le destinataire. Ils s'étaient installés dans le fond du module qu'ils avaient décoré sommairement avec un mini sapin en plastique vert et rouge. Quand tu penses qu'on fêtera encore Noël dans ce vaisseau l'année prochaine? Les autres, au moins, ils le fêteront là-bas, déclara Jay en regardant Corinne déballer son gadget. Ouais, c'est comme ça, hein. 6 mois, c'est 6 mois. À 2 mois près, on y était encore. Mais bon, si on se débrouille bien, on pourra faire Halloween là-bas, hey! Répondit la jeune femme. Ouais, on essaiera de faire une belle petite fête pour accueillir les autres, hein? Faudra penser à ça, continua Pedro. En parlant d'eux, t'as des nouvelles de nos amis de Mars Explorer 2 récemment? Demanda Lisa, la seconde femme de l'équipage. Ouais, Houston m'a dit qu'ils sont super excités, un peu comme nous au départ, répondit Pedro en souriant. Ils n'en sont pas encore arrivés à la phase ennui mortel. Ouais, bah, dans 3 mois, ça sera différent, hein, rétorqua Corinne. Et puis nous, dans 3 mois, ça commencera à sentir bon. Ah, je savais, j'avais senti la forme à travers le papier. Merci Pedro. Oh, elle est super jolie. Corinne faisait tourner la toupie devant son nez en lui donnant des petites pichenettes du bout des doigts pour la faire aller de la droite vers la gauche. Un son strident se mit à retentir en même temps que les lampes principales s'éteignirent pour ne laisser que les éclairages de sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Cria Jay. Ça vient des dosimètres, bordel! Il y en a plusieurs qui couinent, répondit Pedro. Merde, mais ils sont tous en train de biper là! Qu'est-ce qui se passe? Regarde le niveau, t'as combien toi? Demanda Lisa. Moi j'ai 15,1, et toi? 15,2, c'est. Mais hey, mais c'est des millisieverts par heure! Putain, merde! C'est énorme! Merde! T'as pareil, Corinne? Pareil! Faut appeler Houston! Dis à Bob de faire un appel d'urgence! Il est là-haut, il a dû entendre le sien aussi! On peut le faire d'ici, laisse, je le fais! Pedro se dirigea rapidement à travers le sas séparant le module de vie du module de contrôle secondaire. Les dosimètres continuaient à émettre leurs cris stridents. On entendait la voix de Pedro qui prenait un ton plus aigu que d'habitude. Houston! Ici Mars Explorer 1! Houston! Ici Mars Explorer 1! Est-ce que vous me recevez, Houston? Ici Mars Explorer 1, nous avons une alarme radiation sévère. Houston, de Mars Explorer 1, vous me recevez? Merde! On n'entend rien, j'ai juste un grésillement de folie dans ce casque. Houston, de Mars Explorer 1, alarme radiation sévère. À quoi tu penses, ma chérie? Demanda Alessandro. Oh, à rien, répondit Christina en passant sa main sur son ventre. Enfin, si, je pensais à la vie qu'ils auront, eux. Ça va être bizarre, non? Quand tu penses qu'ils verront ces aurores peut-être pendant toute leur vie. T'as encore senti des coups de pied? Oh, ça n'arrête pas depuis hier. On dirait qu'ils sont en train de faire un match de foot, souria Christina. Ils vont arriver avant le 31 décembre, hein, si ça continue comme ça, se réjouit Alessandro. Christina regardait le ciel à travers la baie vitrée. Dans le ciel sombre, des volutes verdâtres évoluaient dans un mouvement lent. Fin.